Célestine, disait Hortense en répondant à une observation de sa belle-sœur qui se plaignait de savoir son mari par un si beau temps à la chambre. Je trouve que tu n'apprécies pas assez ton bonheur. Victorin est un ange et tu le tourmentes parfois. Ma chère, les hommes aiment à être tourmentés. Certaines tracasseries sont une preuve d'affection. Si ta pauvre mère avait été, non pas exigeante, mais toujours près de l'être, vous n'eussiez sans doute pas eu tant de malheurs à déplorer. Lisbeth ne revient pas. Je vais chanter la chanson de Malbrough, dit Hortense. Comme il me tarde d'avoir des nouvelles de Venceslas. De quoi vit-il? Il n'a rien fait depuis 2 ans. Victorin, là, m'a-t-il dit, aperçut l'autre jour avec cette odieuse femme, et il suppose qu'elle l'entretient dans la paresse. Ah, si tu voulais, chère sœur, tu pourrais encore ramener ton mari. Hortense fit un signe de tête négatif. Crois-moi, ta situation deviendra bientôt intolérable, dit Célestine en continuant. Dans le premier moment, la colère et le désespoir, l'indignation t'ont prêté des forces. Les malheurs inouïs qui, depuis, ont accablé notre famille, 2 morts, la ruine, la catastrophe du baron Hulot, ont occupé ton esprit et ton cœur. Mais maintenant que tu vis dans le calme et le silence, tu ne supporteras pas facilement le vide de ta vie. Et comme tu ne peux pas, que tu ne veux pas sortir du sentier de l'honneur, il faudra bien se réconcilier avec Venceslas. Victorin, qui t'aime tant, est de cet avis. Il y a quelque chose de plus fort que nos sentiments, c'est la nature. Un homme si lâche, s'écria la fière Hortense. Il aime cette femme parce qu'elle le nourrit. Elle a donc payé ses dettes. Elle, mon Dieu, je pense nuit et jour à la situation de cet homme. Il est le père de mon enfant et il se déshonore.